Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur le rôle des partis politiques dans l'inclusion genre pendant le processus électoral. L'an 2025 était rendez-vous pour le triple scrutin, c'est-à-dire qu'on va assister aux élections législatives, communales et collinaires. Et sur base du rapport du Burundi Leadership Training Program en 2020, les femmes représentaient 19% des conseillers collinaires et 4,7% des chefs collinaires, d'où le quota de 30% des femmes n'était pas respecté, seulement au niveau des conseillers collinaires. Et selon le rapport de la Commission électorale nationale indépendante de 2020, au Parlement, les femmes occupaient 37,4% et 34,45% au niveau des conseils communaux. Toutefois, dans des postes techniques et non électifs, les femmes sont moins représentées. Alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la représentation des femmes dans les postes de prise de décision au sein des différents partis politiques? Comment les partis politiques comptent promouvoir les femmes? Quel est l'impact du système des listes bloquées sur la représentation des femmes dans les instances de prise de décision? Quels sont les défis liés à la représentation des femmes et que faire pour inciter les femmes à élire et à se faire élire afin de pouvoir occuper les postes de prise de décision? Voici les questions essentielles qui vont faire objet de notre débat mosaïque préparé par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec Burundi Leadership Training Program BLTP en sigle. Au micro, vous retrouverez Vestine Boutoui. À la cabine technique, il y a Jérôme Daichimiye et François Akimana. Sur le plateau, nous sommes avec quatre invités. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue tous mes collègues qui sont ici, avec qui on va partager le plateau. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Il y a également Madame Cécile Chimilimana, présidente du parti Frolina. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour à mes amis, bonjour à tous qui vont nous attendre sur la radio-télévision. Il y a également honorable Fenias Niyigaba, vice-président et porte-parole du parti Frodebou. Monsieur Fenias, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Il y a enfin Madame Clémence Bonounagi, experte en genre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. La réalisation de cette émission est assurée par Médard Niyonkuru. Et pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à honorable Olivier Nkurunziza, qui est le président du parti UPRONA, qui date de très longtemps. Monsieur honorable Olivier, quel est l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision au sein de votre parti? D'abord, au niveau du parti UPRONA, vous savez que, comme vous l'avez dit, c'est un parti qui date de depuis longtemps. Il vient de passer plus de 64 ans. Ce que nous constatons est qu'effectivement, au niveau du parti UPRONA, c'est parmi les partis politiques au Burundi qui ont été dirigés par les femmes. Souvenez-vous que le parti UPRONA a été dirigé par Niwigira Konseni, c'est une femme. Et c'était de 2014 jusqu'à en 2016. Mais aussi, ce que je peux constater, effectivement, c'est qu'au niveau des organes de prise de décision, les femmes sont là dans les organes, parce que les organes de prise de décision, c'est le comité exécutif, c'est le comité central du parti UPRONA. Là, d'abord, le ministère, mais aussi la loi exige qu'au moins il y ait 30%. Les femmes doivent être là. Il y a les femmes qui sont les présidents des commissions. Mais si vous essayez de voir au niveau de la direction du parti UPRONA, actuellement, au niveau de la direction, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes. Pourquoi? Vous savez que c'est le choix des électeurs au niveau du parti UPRONA. Quand il y a eu un congrès, c'est-à-dire que si tu n'as pas été élu, c'est la volonté de Badasigana. Mais aussi, il y a au niveau du parti, il y a le conseil supérieur d'orientation. Là aussi, je trouve parmi les 7 personnes, il n'y a pas de femmes. Pourquoi les 30% ne sont pas respectés dans la mise en place des organes et dirigeants? Au niveau du parti, bien sûr, comme on le dit, les 30% c'est constitutionnel. C'est dans les organes de l'État, mais pas aussi dans les organes des partis politiques. Mais il y a quand même le mouvement intégré, UFB. Là, ce sont des femmes qui s'organisent. Mais aussi, il y a les responsables du parti Proma dans les différentes provinces. Là, il y a des femmes, bien sûr, dans les communes et dans les provinces. Mais malheureusement, avec la restructuration, avec le redécoupage, j'ai vu que les femmes ne sont pas là. Il n'y a pas aucun premier secrétaire femme, mais il y a les seconds. Dans le bureau, il y en a. C'est un défi. Mais au niveau du parti Prona, les femmes sont là. C'est eux qui ont commencé à réclamer. Vous avez combien de femmes au sein de votre parti politique? Compter les membres dans les partis politiques, c'est difficile, parce que ça sera difficile. Mais dans les instances de décision ou dans les organes, c'est facile de compter. Je viens de le dire, dans le bureau exécutif, nous sommes à peu près 80. Là, il y a plus de 30 femmes qui sont là. Dans le comité central, dans les 400 personnes, nous avons plus de 200 femmes qui sont là. Dans les comités provinciaux. Mais là, dans les organes qui, effectivement, qui sont comme des responsables de partis, dans les provinces, c'est là, bien sûr, où on n'a pas trouvé des responsables qui ont été élus comme des premiers secrétaires ou les secrétaires provinciaux. Cette fois-ci, c'est... Vous voyez, les femmes, comme j'essaie de l'analyser, quand il s'agit de mettre en place les organes, il y a les hommes et les femmes qui se bousculent dans la compétition. Et les femmes, souvent, n'aiment pas se bousculer avec les hommes. Quand il y a la propagande, ça demande beaucoup de moyens. Mais aussi, quand ils sont en confrontation avec les hommes, les femmes préfèrent ne pas continuer la confrontation. Alors que les hommes continuent jusqu'au bout. C'est un défi pour eux, parce qu'ils abandonnent au cours de chemin, au lieu de continuer jusqu'au bout. Il faut faire la lutte en politique. C'est pas facile. Mais aussi, les femmes aiment la sécurité. Quand ils sentent qu'ils sont en insécurité, ils laissent tout cela. Parce qu'il y a même des menaces qui te disent qu'il faut laisser, il ne faut pas continuer. Madame Cécile, elle est ici, hein? Elle vous écoute. Vous êtes la présidente du parti Frelinas. Est-ce qu'au sein du parti Frelinas, il n'y a pas des hommes? Il y en a bien sûr. Comment vous êtes parvenue à occuper le poste de présidence? C'est question d'être plus forte pour gouverner les hommes, mais ce n'est pas facile. Les hommes, ce sont les gens qui s'aiment, ce sont des égoïstes. Les hommes préfèrent avoir les places consistantes, ils aiment être les gouvernants. Je pense que vous-même, vous êtes une femme, à la maison, tu ne peux pas gouverner. C'est l'homme qui se voit toujours chef. Même dans les partis, c'est comme ça. Est-ce que le parti mais pour les convaincre, est comparable il faut être... à la maison, au foyer? Bon, et c'est la vie. Dans les partis, il y a la vie. Dans des foyers, il y a la vie. Lorsque tu veux comparer le parti avec le foyer, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Exemple, dans notre parti, le parti Frelinas, avant, il n'y avait pas de femmes. Au bureau politique, il n'y avait plus de femmes, il n'y avait pas. Il y avait au moins dans le comité central, plus de 90% étaient les hommes. Dès mon arrivée, j'étais une seule femme dans le bureau politique. Tu vois, une seule femme. Une seule. Mais j'ai combattu jusqu'à occuper une première place. Vous avez été élue ou vous avez oui, été j'ai choisie? Oui, j'ai été élue. J'ai fait les propagandes. Puis, on m'a considérée. On m'a donné la considération. J'ai été la première. Et ça a été une guerre. Je pense que même Olivier le sait. J'ai fait 3 congrès sans avoir la prise d'acte. 3 congrès. Donc, c'était la guerre. Et actuellement, quel est l'état des lieux de la représentation des femmes au sein de votre parti, étant donné que vous êtes une femme qui dirige un parti politique? Dans mon bureau politique, les femmes, nous sommes 12. Il y a 5 femmes. Tu vois que les femmes dépassent les 30%. Et je suis en train de lutter. Même parmi les provinciaux, j'ai déjà trouvé 3. Bon, parfois les femmes Vous avez utilisé que les astuces. Les astuces, de voir la femme qui est capable de gouverner les autres et la femme qui se donne. Je reviens vers vous, honorable Phineas Nyigaba, vice-président et porte-parole du parti Frodebou, qui est l'état des lieux de la représentation des femmes au sein de votre parti. Il y a un organe dirigeant au niveau national, qu'on appelle le Conseil des délégués nationaux. Les femmes occupent 30% dans cet organe-là. Mm-hmm. C'est un organe qui dirige le parti au niveau national. Et c'est cet organe-là qui est reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Au niveau maintenant du bureau politique, nous sommes au nombre de 5. Il y a une femme là qui occupe une place de secrétariat général adjoint, chargée des questions sociales, chargée des finances. Au niveau maintenant des provinces, nous avons 5 provinces. Il y a une femme qui est vraiment une femme capable, qui dirige une province, la province de Burunga. Vraiment, si on voit les activités que la femme mène, les activités politiques, vraiment c'est très agréable. Maintenant, si je vais revenir maintenant sur les provinces, dans chaque province, il y a ce qu'on appelle un comité exécutif provincial ou fédéral. Sur 25 représentants de ces provinces, il y a 5 femmes. Dans les communes, il y a 42 communes actuellement qui sont reconnues selon le nouveau découpage. Il y a 3 femmes qui dirigent le parti au niveau communal sur 42. 3 sur 42. Oui. Et puis. Le chemin est encore long. Oui, le chemin est encore. Plus on descend en bas, plus ça se complique. Je vais m'expliquer. Alors, maintenant, sur les 210 personnes qui représentent le parti au niveau des différentes communes, il y a 32 femmes. Voilà en bref la représentation de la femme au niveau des organes du parti Sawanya Frodebou. Alors, pourquoi maintenant, si on descend en bas, les femmes n'apparaissent pas dans les organes? Il y a d'abord la culture burundaise, c'est ce qu'on voit. Les femmes, normalement, au niveau de la base, ne participent pas parce qu'il y a des barrières culturelles, financières, qui empêchent les femmes à exercer la politique convenablement. Oui. Est-ce que le parti favorise vraiment la femme à occuper ces postes? Effectivement, au niveau des textes, c'est ouvert. Nous avons d'abord organisé un congrès, nous avons révisé le texte pour permettre à la femme de jouir ses droits politiques. Maintenant, on est en train de le structurer jusqu'à vers les collines même. Mais on voit que les femmes vraiment ne viennent pas comme on le veut. Mais nous espérons, nous continuons la sensibilisation parce que dans le parti, il y a ce qu'on appelle un organe qui gère les femmes, qu'on appelle OFESOD, Organisation des femmes démocrates, et continue à faire des sensibilisations. Mais nous voyons que maintenant, dans les réunions que nous organisons, nous voyons que les femmes participent beaucoup. Selon les évaluations que nous faisons, on voit que maintenant, la femme commence à voir qu'être membre d'un parti politique, ça peut la permettre à s'exprimer, ça peut la permettre à exercer la politique, ça peut même la permettre à donner des contributions à la vie du pays. Je reviens vers vous, Madame Clénoin, c'est vous, Nounagui, experte en genre. Quelle est votre analyse par rapport à la représentation des femmes dans des postes de prise de décision, que ce soit au niveau des partis politiques ou au niveau du gouvernement? La première chose que je dirais, c'est que pour ce qui est des avancées que nous avons actuellement en rapport avec la participation des femmes dans les instances et postes de décision, les avancées que nous avons actuellement sont dues à la loi. La loi, c'est la clé pour ouvrir la participation des femmes aux postes de décision, parce que nous avons constaté que là, par exemple, où il n'y avait pas de femmes du tout, ou là où il y avait seulement donc une présence symbolique de femmes, quand la loi a été disponible, eh bien, on a vu des femmes occuper ces postes. Et je donne un exemple. Avant, par exemple, 2005, on avait continuellement une ou deux femmes ministres. Même quand on avait 16 femmes ou 26 femmes au gouvernement, c'était toujours une ou deux femmes. Mais dès que la constitution de 2005 a institué un quota d'au moins 30% de femmes, on a eu au moins 8 femmes membres du gouvernement. Et ces femmes-là n'ont pas été moins compétentes que les hommes. Et quand on a eu la loi, le code électoral de 2009, Alors qu'avant cette loi, on avait peut-être une ou deux femmes. C'était deux femmes administrateurs qui avaient, je pense, été élues avec l'avènement de son Excellence le président Ndadaye. On avait, je pense, deux femmes administrateurs. Dès que la loi a institué les 30%, on a eu au moins 30% de femmes administrateurs. Donc, pour moi, lorsque la loi est là, même les barrières culturelles sont d'une certaine façon amoindries. Parce qu'avec la disposition de la cooptation, même si on n'a pas ce pourcentage à l'issue des élections, la cooptation permet de combler les lacunes qui sont là. Et plus les femmes sont en place, plus elles deviennent confiantes et plus elles donnent des exemples aux autres qui, peu à peu, osent se présenter aux élections. Et ainsi, on a même eu les élections, je pense, de 2015, où on n'a pas eu besoin de cooptation parce que les femmes étaient, dès qu'il y a une loi qui leur permet de se dire « je peux être élu parce qu'au moins nous avons un nombre de femmes qui sont là parce que la loi le prévoit comme ça ». Mais au niveau culinaire, par exemple, où on n'a pas cette disposition, on a commencé avec un pourcentage de 4,7%. On est encore à 8% actuellement, après combien de processus électoraux. Mais à votre avis, pourquoi la persistance de cette sous-représentation des femmes malgré l'instauration de ces au moins 30%? En fait, je pense qu'actuellement, la représentation des femmes progresse. Si on considère par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, on a plus de 40% par exemple à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi actuellement. Au gouvernement, on a les 30% tout autour. Mais le problème est justement ça aussi, ça ne reste jamais constante et l'évolution n'est pas constante non plus. Et c'est pour cela que nous demandons, en tant que militants des droits des femmes, qu'il y ait la parité. Parce que s'il y a la parité, il n'y aura pas d'oscillation. Est-ce qu'on doit demander ou on doit militer pour en avoir? On milite pour, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la loi, eh bien, ceux qui ont le couteau en main, à qui on dit « Nenibugita nui fashikirinda ». Est-ce qu'il y a une loi qui favorise les hommes moins que les femmes? Non, il y a une loi qui dit au moins 30% de femmes. Déjà, moi, je dirais, si j'étais législateur, aucun sexe ne doit aller en deçà de 30%. Si je gardais les 30%, que ce ne soient pas les femmes qui soient désignées comme ne devant pas être moins de 30%. Pourquoi spécifier au moins 30%? Non, c'est déjà la formulation qui montre que les femmes doivent être un nombre inférieur. Je pense que la révision de la loi devrait aussi voir cela. Donc, malgré le fait qu'il y a cette loi, ceux qui ont le couteau à main, comme je disais, entre guillemets, eh bien, ils se disent qu'il faut, nous ne sommes pas obligés de dépasser les 30%. Et même quand les 30% sont dépassés, des fois, ce n'est pas sur la volonté nécessairement de ceux qui font les listes électoraux. Est-ce qu'il doit y avoir une volonté ou c'est une compétition? Vous savez, la compétition peut être vraiment mise mal en point par les barrières. Les femmes, il y en a qui sont vraiment compétitives. Il y en a qui luttent. Nous avons des témoignages de femmes qui ont fait le combat vraiment autant que les hommes, mais qui se retrouvent toujours reléguées. Au plus, s'ils ont plus, c'est la deuxième position. Vous voyez par exemple la loi. Donc, au niveau de la loi, on dit sur les trois personnes qui se suivent sur la liste, il doit y avoir au moins une femme. Mais la femme, généralement, se trouvera où? À la troisième position. Troisième place, sixième place. 9e place, jamais, très rarement, première place. Et là, ça diminue déjà le nombre de femmes qui vont se retrouver sur la liste selon le nombre de personnes que le parti va avoir. Comme vous parlez de la liste, je reviens vers vous, M. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti Prona. Le système des listes bloquées au sein du parti politique a quel impact sur la représentation des femmes? Bon, le système des partis, des listes des bloquées dans les partis politiques, d'abord, il faut savoir que c'est venu pour d'abord résoudre le problème des quotas ethniques, mais aussi des quotas des femmes. Et ça a aidé, au moins, parce que madame vient de le dire, l'expert, qu'avant la loi qui disait qu'il y ait 30% des femmes, on ne trouvait pas même les femmes sur la liste. Mais les listes bloquées restent secrètes. Oui, ça ne reste pas secret. Bien, ce sont des principes, c'est connu. On dit que Les trois premiers, il doit y avoir des femmes, tous les ethnies. Vous voyez que c'est vraiment pas en principe, c'est connu. Mais qui désigne les membres qui doivent figurer sur les listes bloquées? Ça, ce sont des arrangements qui n'est pas du tout facile. Hein? Mm-hmm. Ouais, ouais. Par exemple, pour les provinces, il faut voir comment les comités se mettent ensemble pour voir celui qui peut drainer les voix. Mm-hmm. Mais aussi une personne d'occalisme qui doit être élue. Et les femmes sont là. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être en défaveur des femmes. Quand même, on ne peut pas mettre sur la liste une personne parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mm-hmm. capable de le faire. Mm-hmm. C'est ça ce qu'on faut comprendre. Mm-hmm. Il ne faut pas que les femmes utilisent cette arme de dire « c'est parce que je suis femme ». C'est la compétition. Au niveau des règlements, des lois, au niveau de nos partis, on ne limite pas les femmes, même si ça sera plus de 40, de 60, pour ça, ça sera mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Comme on l'a dit, il y a effectivement les barrières, comme on l'a dit, la culture burundaise. Les femmes, si vous essayez d'analyser, si par exemple au niveau des provinces ou au niveau des communes, si tu ne trouves pas les femmes qui sont les premiers secrétaires qui dirigent le parti au niveau des communes, il faut s'attendre qu'au niveau même des listes, mm-hmm. si ce n'est pas la loi qui va les contraindre, que ça ne sera pas facile. Mais aussi les moyens, parce qu'en politique, ça demande beaucoup de moyens, la limite des moyens, parce que celui qui sera porteur de voix, il va aussi utiliser pas mal de moyens mm-hmm. qu'il va utiliser. Les femmes ont des limites des moyens surtout. Ça, c'est vraiment ce que nous disons, ce que nous avons constaté. Mais aussi au niveau, ce manque de moyens qui limite les femmes pour être les têtes de liste dans les provinces. Et ça aussi, ça peut aussi être une des causes qui fait qu'au niveau des listes, on trouve que les femmes, au lieu d'être les têtes de liste, sont aussi deux en second mm-hmm. lieu. Autre chose est qu'effectivement, il y a des préjugés qui sont là. Vous savez, dans les années passées, les préjugés ont donné la connotation aux femmes que ce sont des femmes impolies, ingales, qui changent de comportement au lieu de continuer de respecter leur mari dans les foyers. Mais il y a des femmes qui n'ont pas été modèles et les hommes ont peur. Ce que j'ai vu, les femmes qui ont pu réussir, ce sont des femmes qui ont été accompagnées par leur mari en politique. Mmh. Si votre mari t'accompagne, te soutient, tu arrives plus haut, mmh. j'ai pas doute que si Nit était ton mari, te soutenait. Madame Cécile, être président du parti, ça ne sera pas du tout facile. Madame Cécile, êtes-vous du même avis que l'honorable Olivier? Pas totalement. Mm-hmm. Lorsqu'il parle, donc les femmes ingales, il y a même les hommes, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, oh, ce sont des hommes. Et lorsqu'ils ont des postes consistants, mm-hmm. ils changent même de femmes. Mm. La question d'être ingal, tu ne peux pas le dire. Moi, donc, il est partout. Les hommes, il y a les hommes qui changent suivant leur poste. Même il y a les femmes qui ont des postes et qui respectent leur mari. Mm-hmm. Exemple comme moi. Ce sont des préjugés. D'accord, des préjugés. Ce qui n'était pas du tout une réalité. D'accord, des préjugés. Madame Cécile, quel est l'impact des listes bloquées sur la représentation des femmes au sein de partis politiques? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais revenir sur la question des quotas et la question de dire que les femmes doivent avoir au moins. Si on dit au moins, on dirait que c'est une faveur. Mm-hmm. On dit que nous n'avons pas droit à avoir les 30%. Vraiment, quand même, il faut que les femmes puissent nous mettre ensemble pour réclamer nos droits. Mm-hmm. Nous représentons plus de 50%. Tout à fait. Normalement, nous devrions avoir au moins 50%. Alors, où est-ce que vous êtes sur le terrain? Nous sommes, toi-même, tu as entendu, les femmes doivent avoir au moins 30% de la représentation. C'est le minimum. Au moins. Mais on n'a pas dit plus de 30%. Mais ils peuvent dépasser, même au niveau. On va dépasser avec les hommes. Avec la compétition. Avec la compétition. Mmh. Où seront les hommes? Hein? Avec leur égoïsme. Pour les listes, ils vont mettre première place un homme, deuxième. Un homme, troisième, une femme. Mm-hmm. Les femmes vont occuper les troisième place, sixième, neuvième, douzième, avec moins de chances d'occuper la première place. Mm. Sur les listes pourquoi, bloquées. Voilà. Mm-hmm. Pourquoi ne pas dire la femme pour faire monter nos femmes et nos sœurs, nous allons les mettre aux premières places, ou bien au moins aux deuxième place. Mm-hmm. Olivier, est-il possible? C'est possible, mais la loi est claire, c'est la compétition. Ça sert à encore de limiter les hommes et les femmes. La compétition est là. Là, il faut que les femmes soient compétentes démontrent leurs capacités. Mmh. Aussi, là où il y a les femmes compétentes, elles ont été mises sur les premières places. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les partis politiques seulement, ce qui sera très mal à nous, c'est d'enlever une femme qui est sur la tête de liste et de dire parce que les femmes, on ne veut pas une femme. Ça sera très dangereux. Mmh. Mais on le fait effectivement au niveau des compétitions, on va faire des réunions au niveau des provinces, au niveau des communes, pour voir les femmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Seulement, comme la loi est contraignante, comme la loi qui exige 30%, seulement les partis politiques à son interne, ils peuvent aussi instituer une loi qui dise les femmes au moins vont occuper deuxième position, c'est mieux. Les femmes ont des avantages dans le parti qui est au pouvoir. Parce que quand on a beaucoup de voix, les femmes aussi, même si tu es troisième position, tu peux être dans l'Assemblée. Le problème, c'est dans le parti où on dit, celui qui sera tête de liste, c'est celui qui a la chance d'être élu. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que au niveau des partis politiques, les mécanismes qu'on met là aujourd'hui, il faut se conformer seulement à la loi électorale. Madame Cécile, vous avez une réaction? Ah oui, oui. Mm-hmm. En 2015, et nous étions dans une coalition et puis on a fait des listes. Mm-hmm. Moi, j'étais dans la deuxième de la liste. Mm-hmm. Arrivée à la CENI, je me suis retrouvée à la 8e place. Pourquoi? Je ne sais pas. Parmi les 7 premiers, c'était seulement les hommes. Mm-hmm. Alors qu'on est sorti dans la salle en occupant la deuxième place. Mmh. Donc ce qui s'était passé en 2015, peut-être ça se passe dans d'autres partis. Mmh. Et bon, ce qu'il y a, il faut quand même que nous les décideurs des partis politiques, qu'on puisse être vigilants, voir la compétence d'une femme et dire cette femme peut occuper cette place. Mmh. Monsieur Feniassi Nigaba, vous êtes le vice-président et porte-parole du parti Frodebo. Est-ce que le système des listes bloquées aurait un impact sur la représentation des femmes? Ça peut être positif ou négatif, mais ce qui est important, c'est avoir la volonté politique. Normalement, les partis politiques devraient avoir cette volonté. Même les femmes devraient être dans les organes de prise de décision des partis politiques. Je donne un exemple. S'il y a une femme qui représente le parti au niveau de la province, est-ce qu'il peut y avoir un homme pour être la tête de liste? Ça ne serait pas possible. Par exemple, notre femme là qui représente notre parti au niveau de Burunga, vraiment, même les hommes disent qu'ils ne peuvent pas aller devant cette femme. Parce qu'elle est compétente, elle travaille, elle se donne jour et nuit pour vulgariser le parti dans toute sa province. Mmh. Donc, même s'il y a un cadre légal qui donne les 30%, admettons d'abord qu'il y a une progression. On est parti, d'abord comme madame l'a dit, on est parti à des nombres vraiment très, très infimes. Mais actuellement, on fait des progrès. Même la loi est dynamique. On va réviser ces lois. Mais il faudra que les femmes aient des propositions concrètes. Mais ce ne sont pas ces lois-ci qui vont permettre aux femmes de participer dans la vie du pays. Mais il y a volonté politique des partis politiques. Parce que c'est dans les partis politiques d'où proviennent les dirigeants. Il faut que maintenant les dirigeants aient cette volonté politique. Alors, est-ce que les lois des partis politiques favorisent vraiment la participation de la femme dans la vie politique? Les statuts, le règlement de l'intérieur, est-ce que vraiment dans les plans stratégiques, est-ce que vraiment on a prévu des dispositions qui permettent à la femme de s'épanouir politiquement dans le parti? Il faut maintenant entrer dans ces lois-là et mettre des dispositions qui permettent à la femme d'être considérée dans les postes de prise de décision, d'abord au niveau du parti. Puisque si elle occupe un poste stratégique au niveau du parti, c'est déjà l'ouverture. Ça prépare déjà la femme à faire la compétition. Puisqu'on va organiser des réunions, la femme sera là. Mais si elle n'est pas dans les organes de prise de décision, on va organiser des réunions et la femme sera absente. Toutes les décisions qui seront prises, nous ne vont pas tenir compte de la femme. Honorable Olivier, est président du parti qui date de très longtemps, parti Prona, comment vous comptez promouvoir la femme au sein de votre parti politique? C'est ça, ce que j'avais évoqué, c'est de mettre en place des lois contraignantes au sein des partis politiques. Parce que au niveau des statuts, au niveau des règlements d'ordre intérieur, des différents organes du parti, il faut mettre des dispositions qui aident la femme, effectivement, de participer dans ces organes de décision. Dire par exemple qu'au niveau du parti Prona, c'est ce qu'on va faire, comme la direction est composée par 3 personnes, qu'au moins dans les 3 personnes, il y ait une femme. Ça, c'est vraiment, ça serait une disposition qui va aider. Que dans les 5 provinces, qu'au moins dans les 30% soient là. Là, il faut intégrer toutes ces lois qui favorisent les femmes d'être effectivement dans les statuts. En dehors des statuts, la volonté ne sera pas du tout facile. Parce que dans les partis politiques, il y a les compétitions, il y a même des confrontations. Au niveau du parti, là, chaque fois, quand il y a ce genre de compétition, de mettre en place, il y a les gens qui font des compétitions, qui font des combats internes. Alors, il faut donner la chance et la protection des femmes. Mais aussi, ce que j'insiste, ce n'est pas seulement parce que les femmes, il faut aussi que les femmes participent dans la vie politique. Il faut que les hommes aussi accompagnent les femmes dans la vie politique. Parce que ce que j'ai constaté, les femmes abandonnent facilement. Quand il y a la compétition interne, quand il y a la confrontation, les femmes préfèrent la paix et disent, au lieu de se chamailler avec son lit, j'abandonne. Et voilà, au niveau de la facilitation, quand ils trouvent une faille pour résoudre un problème. Madame Clémence, vous n'avez pas... D'abord, je voudrais faire une précision. Parler de la volonté politique, c'est d'abord cet esprit de réviser ce cadre légal. C'est ça la volonté politique. En plus, il faut qu'il y ait un environnement propice qui permet à la femme de s'épanouir politiquement. Parce que le passé vraiment a laissé vraiment des antécédents pour les femmes. Lorsqu'il y a le problème de sécurité, lorsqu'il y a des divisions au sein des partis politiques, la femme n'aime pas cet environnement-là. Donc, il faut vraiment créer l'environnement propice qui peut aider à la femme de s'épanouir politiquement. Parce que dans le passé, beaucoup de femmes ont perdu leur mari, beaucoup d'enfants. Et si les femmes voient qu'il y a l'insécurité qui gagne au niveau d'un tel pays, en tout cas, elles vont penser au passé. Normalement, les femmes n'aiment pas travailler dans un environnement où on discute beaucoup, où il y a de l'insécurité, où il y a des tiraillements. Normalement, les femmes sont paisibles. Madame, il faut y mettre aussi les moyens financiers. On va y revenir sur les défis. Madame Clémence Bounounagi, experte en genre, quelle est votre analyse par rapport à l'instauration du système de listes bloquées au sein des partis politiques? Je pense qu'à un certain moment, les listes bloquées étaient une nécessité. Parce que les listes bloquées permettaient effectivement d'avoir un mécanisme pour le respect de ces considérations ethniques, de ces considérations de genre. Ce système a quel impact sur la représentation des femmes au sein des partis politiques? J'en ai déjà dit un mot. Le système des listes bloquées, la façon dont il est conçu, met la femme à une certaine position qui n'est pas favorable, mais la met quand même là-bas. Donc, le premier impact qui est positif, c'est que la femme est quand même sur la liste. Et il y a un progrès parce que avant, on parlait de 4 personnes qui se suivent. Maintenant, on parle de 3 personnes. Mais j'ai déjà exprimé justement de quelle façon la femme est lésée à ce niveau-là. Il y a un autre camarade de l'Uprona qui a dit vraiment, si ce n'est pas la liste qu'il impose, il est difficile de favoriser les femmes. Le combat est trop dur. Et effectivement, vous voyez que c'est la loi qui revient toujours comme une ouverture pour la participation des femmes. Et nous ne demandons pas qu'on mette la femme sur la liste parce qu'elle est seulement femme, mais parce qu'elle est militante parmi les autres. Nous avons constaté que les femmes sont compétentes quand elles sont dans les postes. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été constaté. Mais comment elles vont y arriver pour montrer justement cette compétence, puisqu'elles sont bloquées au départ? C'est justement ce problème-là. S'il n'y a pas une ouverture pour que les femmes entrent et montrent ce qu'elles valent, on ne va pas le voir du tout. Et c'est pour cela que la loi doit vraiment leur permettre d'entrer dans ces postes. Et on va voir si la loi est là. Je pense que même les partis politiques vont nécessairement ouvrir l'œil et chercher les femmes compétentes. Qu'ils seront obligés de les mettre là. Nous allons revenir sur la proposition des solutions. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je rappelle que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur le rôle des partis politiques dans l'inclusion genre pendant le processus électoral. Quatre invités sont encore sur le plateau. Il y a honorable Olivier Nkurunziza, président du parti IPRONA, madame Cécile Nshimirimana, présidente du parti Florina, honorable Phénias Nigaba, vice-président et porte-parole du parti Frodebo, et madame Clémence Sebounounagui, experte en genre. L'article 108 du Code électoral du 5 juin 2024 stipule que l'Assemblée nationale compte au moins 100 députés à raison de 60% Hutu et 40% Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes élus au suffrage universel direct sur base des listes bloquées. Monsieur Olivier, est-ce que cette représentation des femmes est-elle suffisante? Vous savez, effectivement, comme vous posez cette question, ne dira pas que c'est suffisante, mais au moins ça donne la considération à une femme. Vous savez qu'avant, NIT était à cet article qui donnait la position de la femme dans l'Assemblée, même ils étaient moins de 10%. Alors, ce qu'il faut faire, il faut augmenter. Il ne faut pas qu'un jour on sera en dessous. Malheureusement, à chaque fois, à la fin des élections, les femmes sont cooptées. Même les 30% ne sont pas là avec les femmes élues en première position. Pour compléter, on fait quoi? On fait recours à la cooptation pour compléter les 30%. Et vous, en tant que président du parti politique, qu'est-ce que vous faites pour qu'on ne doit pas attendre ces cooptations? Oui, oui, parce que l'Assemblée, si ce n'était pas la cooptation, on n'aurait pas eu plus de 100 députés. Mais pour coopter, on a mis ça combien pour... Surtout, c'est la position genre. Alors, vous voyez qu'effectivement, au niveau des partis politiques, nous avons beaucoup à faire, quel que soit au niveau de la mise en place des listes. Il faut qu'il y ait les têtes de liste qui seront des femmes. S'ils sont troisième position, deuxième position, on fera toujours recours à la cooptation. Mais pourquoi vous ne le faites pas avant? Les partis politiques, ce ne sont pas nous, ce sont des électeurs. On est sur le terrain, les femmes, effectivement. En tout cas, la question, moi, je suis très clair. Au niveau du parti IPRONA, quand on fera les listes, on va mettre les femmes sur les meilleures positions. Mais ce que je ne confirme pas, ce n'est pas facile d'avoir les têtes de liste dans les différentes provinces parce que avoir la confrontation des hommes, avoir les moyens très nécessaires, avoir comment les femmes vont être, je trouverai que les femmes seront sur la deuxième position peut-être. Ça ne sera pas du tout facile, mais étant président du parti, je ferai le combat effectivement comme je l'ai permis aux femmes pour que les femmes effectivement aient cette place, mais il faut que aussi les femmes montrent leur compétences. Et je pense qu'au niveau du parti Prona, on en aura beaucoup. Madame Cécile, présidente du parti Frolina, même question pour vous. Est-ce que la représentation des femmes, comme le stipule l'article 108, est-elle suffisante? Donc les 30% n'est pas suffisante, mais je peux dire clairement, vraiment et franchement, avec les 30%, on a fait des efforts. Moi, je me souviens, Arusha 1, on a même refusé que les femmes entrent dans l'Assemblée. Donc, avoir les 30%, tu vois quand même qu'il y a quelque chose d'augmentation, quelque chose qu'on peut apprécier. Mais c'est à nous, les femmes, de faire un effort. Et aussi, j'invite même les hommes d'encourager. Donc, les partis qui sont gouvernés par les hommes, il faut encourager les femmes, il faut les promouvoir. Les femmes, ils n'ont pas peur, comme vous venez de le dire. Non, il y a les femmes vraiment qu'on ne peut pas imposer n'importe quoi. Non. Il y a les femmes qui sont même capables de défendre leur place. Mais le problème est lié aux moyens financiers. C'est l'un des défis. Oui. À part les moyens financiers, quels sont les autres défis qui empêchent la femme à être représentée valablement? Les femmes ne nous aiment pas. Par exemple, je peux même représenter pour être candidate au poste du président de la République. Ce sont les femmes qui viendront me critiquer. Est-ce que vraiment cette femme va occuper cette place? Est-ce qu'il sera capable de gouverner? Et est-ce qu'elle sera utile? Elle n'est pas capable, elle est comme ça, elle est comme... On va même évoquer ma carte de naissance, on va dire que je ne suis pas même l'enfant de mon père. C'est comme ça, nous, les femmes. Bon, il faut quand même qu'il y ait le changement de mentalité. Il faut quand même qu'il y ait l'amour entre nous, les femmes, de s'entraider entre nous, parce que les hommes s'entraident. Voilà, les hommes peuvent se positionner pour la première place, la première position, deuxième position, même troisième position. Une femme peut se retrouver aux cinquième position. Est-ce qu'elle sera élue quand? Il faut quand même que nous, les femmes, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que nous nous aimons, il faut qu'on fasse une élite de femmes. Et il faut qu'on fasse une élite pour occuper nos places, parce que nous sommes capables. Regardons Samia. Elle est présidente de la Tanzanie. Pourquoi pas même au Burundi? Qu'est-ce qui bloque alors? Je ne sais pas. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'une femme soit autonome financièrement, je dis financièrement. Il faut quand même que nos hommes nous aident aussi. Qui vous empêche de devenir autonome financièrement? Autonome, je te donne un exemple. Une femme peut toucher au moins 1 million, et un homme touche 2 millions. Mais les dépenses, beaucoup de dépenses seront faites par une femme. C'est un exemple. Je donne souvent ces exemples. C'est son cas là, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Non. Écoute. Souvent, on se rend dans des séminaires. Tu ne peux pas trouver une femme avec des henkens sur la table. Tu ne peux pas trouver une femme. Pourquoi? Mais et non. Une femme est responsable. Si je touche 100 000, je vais dire non. Avec les 100 000, je vais acheter le charbon, je vais acheter pour la maison. Mais l'homme, il va d'abord... Donc, il faut prendre soin de lui-même. Il va d'abord commander 5 henkens, 5 hamsters. Il va arriver à la maison avec combien? 10 000, 20 000. C'est comme ça. Honorable Olivier, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec... Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Elle a dit que ce sont des femmes qui dépensent beaucoup. Au niveau des dépenses, c'est peut-être l'orientation des dépenses. Au niveau, vous voyez, les hommes font ces dépenses. Quand je donne des bières, quand je donne des hamsters, je commence à faire mes propagandes avec les hommes, avec quoi. Mais une femme, au lieu de faire ça et s'entourer les gens, elle va rentrer à la maison. Et voilà. Qui va s'occuper de la famille? Enfin, qui va s'occuper de la famille? C'est l'homme qui s'occupe de la famille. Oui. Les femmes sont comme ça. On ne va pas débattre ça et cela. Ce sont les secrets de ménage. Mais seulement, les femmes ont besoin effectivement des moyens pour pouvoir travailler et effectivement créer l'influence au sein de la société burundaise suite à ces problèmes de culture, changement de mentalité. Le problème est, par exemple, j'ai une femme qui m'a raconté les problèmes qu'elle a eu quand elle a été élue le chef de colline. Elle m'a dit, le problème que j'ai est que quand il y a un problème, peut-être pendant la nuit, et qu'il y a secours de ceux qui veulent que le chef de colline soit là pour résoudre les problèmes, et quand elle vient toquer sur ma porte et qu'elle dise, moi je veux la femme telle. Vous voyez, c'est le chef de ménage, c'est l'homme. Il dit, vous voulez qui? Vous voulez me déranger pendant la nuit? Allez, elle dit, ces dérangements, je ne les veux pas dans ma maison. Si tu continues comme ça, je préfère que tu démissionnes dans ce poste. Et les femmes sont souvent gênées. Et les hommes décident même de ne plus accepter que la femme, pour le mandat prochain, soit élue. Parce que ça, c'est un autre défi. C'est notre défi. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les hommes comprennent effectivement qu'une fois la femme est responsable, qu'elle doit l'accompagner malgré tous ces problèmes de culture, de mentalité qu'on connaît. Parce que l'homme est le chef du ménage. Personne ne peut pas venir demander où est la femme. On demande d'abord l'homme. Dans la maison, quand on veut dire où est la femme, on va dire qu'est-ce qui se passe. Elle a déjà remplacé moi. Elle est responsable. Et quand on est sur le marché, quand on fait les sorties et qu'une femme vient saluer, mes chefs, tu es à côté de l'homme, il se sent minimisé. Il dit, tu deviens homme plus que moi. Alors, ce problème de mentalité, il faut que les hommes aient cette éducation pour comprendre qu'effectivement, si une femme est responsable. Ok, je reviens vers vous, honorable Fenia Sini Gaba, vice-président du parti Issawanya Folodebo. Quel est votre point de vue par rapport à la représentation des femmes comme consignée dans le code électoral, article 108? L'article 108, elle est claire. Il y a 30% au moins. Donc, si on dit au moins, normalement, ça n'empêche pas que les femmes puissent être à 50, même à 60, même à 80. Donc, il ne faut pas aller en dessous de 30%. Maintenant, la loi a fait une ouverture. C'est aux femmes maintenant et aux hommes d'en profiter. Quels sont les défis liés à la représentation des femmes? Je dis ceci, il faut qu'il y ait une masculinité positive. Parce que, normalement, nous les hommes, nous voulons chaque fois être au-dessus des femmes. dans la prise de décision surtout. Mm-hmm. Surtout quand on voit dans les foyers, là, c'est vraiment très, très grave. C'est lui qui prend la dernière décision, c'est l'homme. Alors, normalement, il faut qu'il y ait changement de mentalité. Lorsqu'on voit une femme en politique, il faut qu'elle soit, disons, donnée à une telle connotation. Surtout, on dit que quand les femmes sont en politique, elles ont un mauvais comportement, ainsi de suite. Non, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une évolution au niveau des hommes, nous. Parce que si on ne change pas, ça ne permettra pas même à la femme de s'épanouir politiquement. Mm-hmm. Il faut maintenant encourager, même en voyant que même son époux a changé. Et puisque si la femme est encouragée, ça sera très facile. Mais si elle va au poste et qu'elle revient à la maison et qu'elle trouve vraiment qu'à la maison il y a un problème, chaque fois, elle va dire que je ne préfère pas, disons, détruire mon foyer, je préfère abandonner. Donc, mais si l'homme l'encourage, ça doit même encourager les autres femmes. Alors, les grands défis maintenant, les femmes ne sont pas solidaires. Ça, vraiment, je l'ai vu et je vais vous donner des exemples concrets. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale dans la législature de 2005 à 2010. On a remplacé fait honorable Imakire pour des raisons que je ne peux pas dire ici. Mais il faut maintenant qu'on amène une autre personne pour la remplacer. Femme ou homme? Femme. Normalement, ça ne devrait pas être femme. Mais si? Ce qui est étonnant, c'est ce que je dis. Nous étions dans l'hémicycle de Kigobe. Il y avait beaucoup de femmes, plus de 35%. Personne n'a osé dire ça. Parce qu'il y avait peut-être les hommes. Il fallait donner la candidature. Il fallait même dire que la femme ne doit être remplacée par une autre femme. Même les hommes, nous n'avons pas osé. Donc vous voyez que cette question-là, ce n'est pas seulement pour les femmes, mais même pour les hommes. Vous voyez que même les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Je donne un autre exemple. Moi, il y a une coopérative au niveau de Chibitoke. Les femmes, là, se sont réunies. Une coopérative de femmes, se sont réunies. Il y a quelques hommes, mais les femmes sont nombreuses. Ils se sont réunis, on a dit qu'on va choisir le responsable de cette coopérative. Et les femmes ont dit non, on ne va pas choisir la femme, on va mettre là, si c'était placé, l'homme. Et ce sont les femmes qui ont dit cela. Mais ce n'était pas mauvais, peut-être, et ils ont vu que peut-être l'homme était compétent. Mais vous voyez, si on a 10 femmes et 2 hommes, on préfère un homme. Un homme. Est-ce que parmi ces femmes, la plupart étaient cultivées? Ah, oui, il y en avait. Dans cette coopérative? Effectivement. Combien, au minimum? Il y avait 3 femmes qui étaient vraiment cultivées. Mais le choix de l'homme, ce n'est pas un problème. Mais on se pose la question. Si, pourquoi est-ce que les femmes ne parviennent pas à même dans notre coopérative? Pour montrer que nous sommes compétentes, il faut mettre devant une femme. Alors, la solidarité, vraiment, pour les femmes, je vois qu'au niveau de ce terrain, il y a un problème. Au niveau culturel, il y a même vraiment des proverbes là qui sont vraiment très mauvais et qui décourage la femme. Nango Kazibika, Isa Kihari. Vous voyez, c'est Fenia pour Senigawa, que faire alors pour que la participation des femmes soit effective? Bon, attendez, je voudrais revenir sur le plan financier. Le temps file. Oui, oui. Il y a un défi financier. Alors, la femme là n'a pas de moyens palpables sur elle. Si on parle de femmes, il ne faut pas seulement voir des femmes, ces femmes qui se trouvent là, ici, à Bujumbura. Allez au niveau là, sur les collines. Les femmes ne détiennent pas de l'argent. C'est l'homme qui détient de l'argent. Même quand il va la vache, c'est l'homme qui va mettre l'argent dans sa poche. Alors, vous voyez que la femme là n'a et pas... C'est un défi. Effectivement. Mais pourquoi ne pas donner cet argent à la femme pour conserver ça? Ou bien un défi réside au niveau de la gestion. Oui, puisque la femme là, si on a 200 000, j'ai 200 000 dans ma poche, pourquoi ne pas donner 50 000, 60 000 et partir avec 50 000 moi aussi? Mais vous voyez qu'au niveau, la femme n'a pas sur elle les moyens financiers pour aller, comme l'honorable a dit, pour aller dire, appeler des personnes pour faire sa propagande. Selon vous, que faire pour inciter la femme à élire, à se faire élire, d'abord, pour enfin occuper des postes? Il faut d'abord que, je l'ai déjà dit, il faut d'abord qu'au niveau des partis politiques, il y a révision des textes en tenant compte de l'aspect char. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un changement de comportement. que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Mm-hmm. Il faut que maintenant, au niveau des élections locales, il faut encourager les femmes, puisque le cadre légal de là, n'est pas clair au niveau de la base. On dit qu'on va se faire élire, mais la femme n'a pas de moyens pour se faire élire. Alors, vous voyez que même au niveau, vous avez que ça représente 4%. J'ai vu que vous avez vu que ça représente 4% au niveau des conseillers collinaires. C'est 8%. C'est 8%. Actuellement. Vous voyez que c'était en 2020. Vous voyez que c'est très peu. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, il faut maintenant soutenir les femmes financièrement. Il y a des organisations qui soutiennent des femmes comme OnlyFam. Mm-hmm. Je l'ai vu dans les élections précédentes, c'est pas dans 2015. On a encouragé les femmes en donnant de l'argent pour les partis qui allaient mettre les femmes en première position. Mais au niveau local maintenant, il faut donner de l'argent à ces femmes-là pour se faire propagande. Madame Clémence Bounounagui, vous êtes experte en genre. Quels sont les autres défis à relever en matière de la représentation des femmes? Et moi, je pense que les défis qui ont déjà été relevés vraiment sont très importants. Mm-hmm. Il y a l'autorité maritale. L'autorité maritale, vraiment, si cette autorité-là n'en vient pas à soutenir la femme, ça devient pour elle vraiment un grand défi. Il faut aussi ajouter l'opinion de la belle famille. Parce que si la femme est dénigrée par la belle famille, cela aussi retombe sur le mari qui est tout le temps dit « Ben vraiment, ce n'est pas toi qui t'es marié, c'est finalement la femme qui t'a épousé et ainsi de suite. » Et il y a aussi la réticence des hommes. Vous parliez de questions financières. La dépendance économique de la femme, c'est vraiment un très grand défi. Et aussi, on a à ce côté, parce qu'il y a vraiment certaines initiatives qui essaient de promouvoir l'autonomie de la femme, mais on voit aussi la réticence des hommes à supporter que la femme ait vraiment le contrôle des ressources. Moi, j'ai entendu un homme qui disait « Ce n'est vraiment pas acceptable. Lorsque dans le foyer, il y a deux poches, eh bien, il y a aussi deux têtes. » Et ce n'est pas possible. En se référant à l'expression dans laquelle on dit « Umugabo n'umutwe w'urugo », la femme est la tête de la famille. Alors, s'il y a deux poches, il y a deux têtes. S'il y a un homme qui m'a dit ça, alors que je lui demandais si l'appui aux coopératives dont il faisait partie améliorait le bien-être des ménages. Et lui, il a dit non, vraiment, pour moi, ça devient une catastrophe parce qu'on a deux têtes dans la maison. Mmh. C'est pas possible. Donc, la réticence des hommes, que les femmes ont des ressources, ont le contrôle des ressources, c'est aussi une grande question. Alors, en tenant compte de tous ces défis, que faire pour que la femme soit capable de se faire élire et à élire pour enfin occuper ses postes de prise de décision? Il y a la sensibilisation de la communauté. En partant des témoignages des membres des communautés qui ont été dirigés par des femmes et qui admettent que ces femmes-là, par exemple, là où on a eu des chefs de colline qui sont des femmes, les gens ont reconnu qu'elles ont été performantes, qu'elles ont aidé à résoudre les problèmes, qu'elles ont le sens de l'écoute et qu'elles n'en acceptent et qu'elles ne recherchent pas à être rétribuées autrement pour les services qu'elles rendent. Donc, en sensibilisant les communautés, en donnant des témoignages de ces populations-là qui ont été une fois dirigées par les femmes, où on a vu vraiment des améliorations, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Parce que ces femmes-là se sont montrées, tout en n'ayant pas même une éducation intellectuelle très importante, elles ont pu améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Si nous avons des exemples aussi de femmes leaders qui ont fait des choses. En fait, il y a aussi le fait qu'on ne présente pas les modèles. Il y a des femmes modèles qui ont réalisé des choses, qui se sont montrées très compétentes, mais il n'y a pas suffisamment de publicité par rapport à elles. L'éducation de la population, l'éducation des hommes, le développement, comme il disait, de la masculinité positive dans les communautés, et aussi la loi. Il faut que la loi soit évolutive en faveur d'une meilleure participation des femmes. Honorable Olivier Ngolondiza, qu'est-ce que vous allez faire pour que la femme au sein de votre parti politique ait cette facilité d'élire et de se faire élire pour enfin occuper ses postes de prise de décision? Oui, avant de répondre à cette question, je vais d'abord essayer d'évoquer les barrières culturelles une fois. L'émission touche à sa fin. Oui, c'est une seconde. Je me rappelle une femme qui est Samouragua dans sa famille. Normalement, quand il y a ce genre de cérémonie dans la famille, elle devrait prendre la parole devant les hommes pour Mais j'ai vu que dans la famille, il y a eu des discussions. Il dit non, une femme, elle est samoura. Vous voyez que même les barrières, au niveau, je ne sais pas, il y a même une discussion qu'on disait qu'on va faire une dot, une femme qui voulait parler discours de dot. Pour... Mais ils ont dit non, c'est impossible, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. C'est la culture burundaise qui est là. Alors, au niveau alors des partis politiques, est-ce que nous allons faire, ce qui m'inspire, c'est qu'au niveau des dispositions des statuts du parti, il faut quand même qu'il y ait des dispositions qui aident les femmes d'occuper les postes responsables. Là, ça se fait dans les congrès. Alors, on va essayer d'influencer pour que les femmes soient là. Moi aussi, je me rappelle que quand je faisais le congrès en 2021, nous avons demandé aux femmes d'être le secrétaire général. Elles ont eu peur d'occuper le poste. Il faut encourager les femmes pour ne pas avoir peur. Et c'est à partir de la famille. Quand son mari l'accompagne normalement, ce que j'ai constaté, les femmes qui ont bien réussi, ce sont des femmes qui sont absolument à 100% accompagnées par leur mari. Quand il y a un problème dans la famille, les femmes sont réticentes. Elles disent non. Au lieu de détruire ma foyer, je préfère ne pas occuper les postes. Ça, c'est très important. Autre qu'on a dit, ce sont des moyens. Comment on va donner les moyens aux femmes? C'est de les attribuer les postes aussi, c'est d'essayer de l'autonomie des femmes et de créer les activités génératrices de revenus, mais aussi, effectivement, organiser des réunions. Oh, j'avais oublié. Organiser des réunions, non quelque pas dans seconde. Les heures avancées. Parce que quand vous organisez les réunions dans les heures avancées, qui se terminent même à minuit, à combien, les femmes ne vont pas accepter parce que... Or, souvent, des décisions se prennent la nuit. Madame Cécile. Parce que Madame Cécile a dit qu'elle était de cette deuxième position, mais qu'elle a fait, elle s'est retrouvée. C'était ces réunions... Madame Cécile Nchimilimana, qu'est-ce que vous allez faire pour enfin promouvoir la femme au sein des instances de prise de décision? Il faut qu'il y ait un changement de mentalité pour les femmes. Il faut les sensibiliser et les montrer des exemples qu'ils peuvent être des personnes très considérables dans des partis. Il faut aussi mettre les dispositions qui aident les femmes à se faire élire dans les instances de prise de décision. Aussi, il faut les inciter à travailler, à fournir beaucoup d'efforts, à travailler, à se mettre dans des coopératives pour qu'ils soient autonomes. Voilà, alors, c'est par ici que prend fin l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, préparée par la radio-télévision Isanganiro, en partenariat avec Burundi Leadership Training Program BLTP en sigle, qui était centré sur le rôle des partis politiques dans l'inclusion genre pendant le processus électoral. Sur le plateau, nous étions avec quatre invités, honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Merci de vos interventions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et même pour la fois prochaine, quand vous m'inviterez, je répondrai présent. Merci beaucoup. Merci également à vous, Madame Cécile Nchimimana, présidente du Parti Florina. Merci beaucoup de m'avoir invité pour la première fois à la radio Isanganiro. Je suis à votre disposition pour les prochaines programme. Merci. Merci à vous, honorable Fenias Niyigaba, vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodebou. Je vous remercie et je vous dis que le parti Sawanya Frodebou fera tout pour faire la promotion de la femme. Enfin, merci à vous, madame Clémence Ebonounagi, experte en genre. Merci beaucoup pour m'avoir invité et ce sera toujours pour moi un plaisir et un honneur de donner de cette façon ma contribution à la promotion des droits des femmes. À la cabine technique, vous étiez avec François Akiman et Jérôme Ndaïchimi, la réalisation de Médard Niyomuru, Vestine Boutoy, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon moment. Les programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque.